ça bon papa papa papa. Par un papi sofisa les bacs à ses rico mama. T'as la banquine et t'y gagne en ton fan de pénoyer. On y gagne ton y gagne à mon départ. Et bâti et bâti qui n'a la prison. Sans qui est une déception et qu'on prend pas dans la prison y passe. So ele la cama toma e vite todo esta ahí. Cara tu episo la se la calle bote barrio. Tatita ni se puede pasar. Tatita ni se puede pasar. Oh, confianza, Matima. Confianza, la senador. Comila, comila, Federica. Let's go. Așa de mâncare.